Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bon dimanche à toutes et à tous et merci de retrouver cette autre édition du débat panafricain sur Afrique Média. CDAO, les pays ouest-africains peuvent-ils encore parvenir à des sanctions contre le Mali? Les dirigeants ouest-africains ne sont finalement pas parvenus à s'entendre samedi 4 juin à Accra au terme d'un nouveau sommet extraordinaire organisé dans le but de décider. Ils doivent plutôt travailler pour leur peuple plutôt que de suivre les agendas des pays occidentaux, à mon avis. Merci à vous, à Momré, mais quelque part, quand même, il y a d'autres aspects que vous ne prenez pas toujours en compte, sans toutefois revenir sur votre position vis-à-vis de Macky Sall. Déjà, le Sénégal n'est pas producteur de gaz, le sera à partir de l'année prochaine, et le président Macky Sall qui dit « Nous sommes prêts, le Sénégal, en tout cas, à travailler dans une perspective d'alimenter le marché européen », il l'a dit au chancelier allemand. Alors, quand on connaît un peu le langage diplomatique, on comprend que ce n'est pas pour tout de suite. Et donc que cela ne peut pas avoir une incidence, un impact direct sur la situation aujourd'hui des sanctions dans le cadre de du conflit en Ukraine, des sanctions notamment, des sanctions européennes contre la Russie et du fait que le gaz russe aujourd'hui doit être absolument payé en roubles. Et président Bandakani, on ne peut même pas dire que ce gaz, qu'il y a une crise du gaz aujourd'hui en Europe parce que les Européens continuent à payer le gaz russe. C'est une évidence. D'abord, il faut bien analyser la situation du secteur et les dynamiques propres aux différents acteurs sur le champ géodiplomatique, si on veut l'analyser à partir du prisme ukrainien. Les forces qui veulent en finir avec le gaz russe en Europe sont des forces russophobiques. Je reprends à mon compte les propos de M. Lavrov, fondant la russophobie qui est liée aux antécédents de ces forces-là avec les Russes. Ça date depuis des siècles et des siècles. Il serait fastidieux de vouloir amener ça ici. Il faut rappeler, par exemple, que les Russes sont en guerre depuis des siècles avec, par exemple, un empire qu'on a appelé l'Empire Khazar et qu'aujourd'hui, ce sont descendants des Khazars qui sont en première ligne dans la russophobie, qui structure la russophobie. Deuxièmement, les forces, n'est-ce pas, financières, les puissances financières qui tirent les marrons du feu dans l'agenda de la quatrième révolution industrielle et qui va nous embarquer dans le monde artificiel, de l'intelligence artificielle, veulent en finir avec ce qu'on appelle les énergies fossiles. Vous connaissez cet agenda. Ce sont elles qui sont en première ligne pour essayer d'imposer, de verdifier le verdissement de l'Europe sous couvert de peurs climatiques qui sont derrière cette affaire-là. Donc il faut bien savoir ce qui est en jeu, les différents acteurs qui sont sur la scène, sur la matière. L'agenda qui consiste à vouloir à tout prix sortir de l'énergie carbone en Europe, c'est la russophobie à l'état brut et deuxièmement les manœuvres des puissances, des forces financières qui sont organisées aujourd'hui dans tous les projets liés aux peurs climatiques qu'on agite, tous ces consorts, c'est pas nouveau, pour essayer, n'est-ce pas, de créer de nouveaux échelles de compétitivité et gagner de l'argent au niveau du capitalisme, n'est-ce pas, et établir un nouveau cycle de concurrence qui sera à leur faveur. On n'a pas trop de temps pour développer ça ici. Donc, derrière la bataille du gaz en Europe, il faut bien comprendre ce qui est en jeu. La Russie a le meilleur gaz, bon marché et de bonne qualité. Mais les gens sont même prêts à aller prendre le gaz naturel liquéfié, américain, qui est plus polluant et qui sera plus cher et dont les pays européens ne sont même pas encore arrivés en termes de standards infrastructurels. Donc, c'est illogique. C'est totalement illogique. Deuxièmement, mon cher Gifondo, on ne peut pas cesser de le dire ici, mais le mouvement panafricaniste, ce n'est pas l'initiative des chefs d'État. Comment il faudrait que les gens comprennent ça? C'est une initiative d'abord populaire là-bas. On connaît ceux qui ont commencé cette affaire et depuis ça a été construit, n'est-ce pas? C'est une dynamique qui vient, n'est-ce pas, des gens qui ne sont pas chefs d'État. Il y a des présidents qui très tôt ont compris l'importance et ont soutenu. On les connaît, il faut les rendre hommage. Mais les gens maintenant font comme si ça dépendait des chefs d'État. Comment on veut réduire un mouvement comme ça continental au comportement individuel d'un président, c'est-à-dire Macky Sall? Mais que les présidents s'arriment au panafricanisme, c'est de bonne guerre. Mais ce mouvement-ci là, ce mouvement-ci qui est en train de prendre tout le continent et que les chefs d'État de plus en plus s'alignent. Si un président dit que tu es panafricaniste, vous allez le chasser. Si un président décide que bon, votre affaire c'est bon, je vais engager ça, vous allez le chasser. Si le FSA n'aurait pas eu Idriss Déby, père son nom le maréchal, au niveau où il est arrivé. Et ils sont nombreux qui de plus aujourd'hui tiennent compte de cette dynamique et essaient de s'y arrimer. Donc, il y a des projets extraordinaires. Ce mouvement ne dépend pas des humeurs de Macky Sall, du président Macky Sall. Il ne s'agit pas ici de savoir si Macky Sall est crédible ou pas. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. On veut fausser le débat. Et par là, et c'est la France qui est derrière cette dynamique-là, je sais de quoi je parle. Et par là, arrimer le mouvement pour l'africanisme aux humeurs des présidents, plus ou moins changeants, de leur stratégie. Et ainsi, le discréditer. Donc, si tel président a fait ça, on discrédite le mouvement pour l'africanisme. Il a fait ça, on le discrédite. Non. Cette dynamique qui est en cours, aujourd'hui, a dépassé les chefs d'État et les organisations sous les journaux comme la CEDEAO. Des présidents comme le colonel Assimi Goïta, Touadéra, le président Obiang Nguema de Guinée équatoriale, il y en a même qui ne parlent même pas, qui font un travail extraordinaire. Nous connaissons ce que nous devons au président Camerounais Paul Biya. Vous voyez que ça va, les agitations de certains qui viennent m'évader, cela va m'effrayer par rapport à ça. Nous connaissons cette histoire. Comment ça a commencé? Et nous connaissons ce qu'on doit au président Paul Biya, parlant de cette dynamique. Nous, on le sait. Et le vrai Dieu va nous punir si nous ne sommes pas capables de restituer ça en public. Parce qu'on a peur des petits agités qui viennent effrayer les gens parce qu'ils appellent ici et ils racontent du n'importe quoi. Il faut faire attention. Le mouvement panafricaniste, ce n'est pas une action des chefs d'État. Ce ne sont pas des présidents. Ça, au moins, c'est clair. On a réussi au moins ça. Et ça ne dépend pas des présidents. Si les présidents comprennent ce mouvement, le soutien pour certains en douce, d'autres le font plus ouvertement, c'est de bonnes guerres. C'est une bonne chose pour le continent. Mais de là à croire que les Allemands peuvent venir dire que, OK, que le président a dit son lutte, demain il a changé, tel a fait ça. Et du coup, c'est le mouvement panafricaniste qu'on va vouloir confondre à ça. C'est un jeu dangereux qu'ils font là. Moi, je connais ceux qui sont derrière ça pour casser ce mouvement. Donc, troisièmement, mais c'est pas possible. Il faut être à mesure de juger les présidents sur leurs actes souvent. Si un président pose un bon acte, il faut dire que c'est un bon acte. Ça ne veut pas dire que tu es pour lui désormais, bon sang. Mais comment est-ce qu'on a fait pour expliquer ça aux gens? À ces savants-là qui tout le temps donnent les leçons ici aux gens. Mais il faut faire attention. Mais si un président pose un bon acte, on dit que bon, c'est pas bon parce que c'est tel qu'il a fait. Et c'est là où on est encore dans l'objectivité. Et c'est là encore les sérieux en train de faire l'analyse. Mais si un président pose un acte panafricaniste qui va dans le sens du continent, on le salue. On salue l'acte qu'il a posé. Ce n'est pas pour autant dire qu'il est désormais un panafricaniste. On attendra encore de voir. Si les actes-là sont constants et participent désormais d'une orientation claire de ses dirigeants, on franchira le pas pour dire qu'il est panafricaniste. Quand le colonel Doumbouya, il est quoi? Il est colonel, c'est ça? Oui. C'est Doumbouya. Quand il a pris le pouvoir ici, nous avons été très durs avec lui. Moi, bon, tu le sais, je suis allé très loin. Je l'ai appelé bandit. Et j'avais raison de le faire. Parce que c'est de le faire. Mais à la faveur des sanctions de la CEDEAO, le colonel Doumbouya a dit, monsieur, moi, je ne les applique pas. Et moi, je suis avec le Mali. Bon, je fais quoi? Je continue à l'analyser du point de vue de ce que j'ai dit hier. Je refuse de voir que cet acte-là, c'est un acte positif pour le combat. C'est une bonne chose. Je fais comment? Et que Bamako, par exemple, a continué à être desservi par la compagnie Astai, bien sûr, via Conakry. Mais attends, oui, Doumbouya, et en le faisant, Doumbouya a aidé le combat par l'africanisme, oui ou non? Est-ce que pourtant, moi, Bandekani, parce que j'ai condamné son arrivée au pouvoir, j'ai dit, OK, tout ce qu'il fait est mauvais, pas idéologie et pas posture idéologique, ça, c'est de l'émotion personnelle, ce n'est plus d'analyse géopolitique qu'on est en train de faire. Donc, Doumbouya a posé un bon acte, je l'apprécie. Nous attendons les bons actes de notre frère qui est au Burkina Faso. On regarde. Il pose un bon acte, on apprécie. Mais c'est ça. Et c'est ainsi qu'on construit une dynamique. C'est comme ça que les Européens font. Ils ne sont pas dans les affaires d'humains. Ils sont dans les réalités géopolitiques, dans la lecture des intérêts fondamentaux. Regardez ce que l'Union Européenne veut faire. Vous avez vu la question de M. Orban, le président hongrois? Vous avez vu? pour sauvegarder l'unité de l'Union européenne, de l'unité apparente, on a fait des concessions extraordinaires à la Hongrie. La Hongrie a fait chanter l'Union européenne et l'Union européenne a obligé, il dit chanter, non, a défendu ses intérêts normalement. L'Union européenne a oublié l'état de droit. Parce qu'elle voulait elle condamnait la Hongrie. Elle disait que non, la Hongrie est un état qui ne respecte pas l'état de droit. On suspend les versements mécaniques qu'on verse aux états. Mais quand il a fallu aborder la question de l'embargo sur le pétrole russe, Orban a dit, monsieur, je ne bouge pas ici. Mes intérêts nationaux m'interdisent de soutenir une telle démarche. Vous entrez le franchir la ligne rouge. L'Union européenne a oublié l'état de droit. L'Union européenne a oublié tout ce qu'elle reprochait à la Hongrie pour se soumettre comme, excusez-moi comme ça, se coucher à terre devant M. Orban et satisfaire ses revendications. Mais voyez comment les Européens fonctionnent. Ça, c'est la maturité géopolitique dans leurs intérêts à eux, bien sûr. Mais qu'est-ce que les Africains vont mûrir dans l'analyse des dynamiques géopolitiques et arrêter de se comporter comme des gamins? Hein? Dit, on a dû analyser la visite de Macky Sall en Russie. Agissant comme président de l'Union africaine en tant que tel, les gens nous ramènent pour savoir si Macky Sall est crédible ou pas. Mais c'est cela qu'il s'agit. Dans un moyen de plus président de l'Union africaine. C'est cela qu'il s'agit. Est-ce qu'il allait à l'Union africaine, est-ce qu'il allait en Russie, il a porté un bon message? Et ce qu'il a dit correspond à l'opinion générale en Afrique. Et est-ce que ce qu'il a dit là-bas est mauvais? Mais quand on parle de son analyse, les gens viennent faire comme si il est question de faire la psychologie géopolitique et d'analyser la fidélité des appartenances de M. Macky Sall. C'est cela qu'il s'agit. Il a reçu entre-temps Sarkozy. Je suis contre ça. Je suis de ceux qui estiment que si les Africains étaient cohérents, on aurait interdit à Sarkozy de mettre le pied en Afrique. Ça aurait été une résolution de l'Union africaine pour interdire à ce nabo de mettre son pied sur le continent africain. Mais ça, c'est la position du président Manakani. Je ne suis pas chef d'État et nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau en termes d'unité géopolitique. Soit, est-ce que parce que Macky Sall a reçu Sarkozy, je vais maintenant aller dire que, comme tu as reçu Nicolas Sarkozy, en Russie, là, tout ce que tu fais, fous le camp, c'est n'importe quoi, ça ne veut rien dire. Non, tu vas jeter même ce qui est avantage. Dans une dynamique géopolitique, il fait trop froid, on ramasse tout ce qui est avantageux. Tout, on ramasse ça. On met ça sur le chemin de la victoire. On met ça dans la tête des objectifs. Il fait trop froid, c'est ce que les Européens font. Donc, il faut savoir hiérarchiser les contradictions, mon cher Gifondo. Il faut savoir établir une hiérarchie entre les contradictions, à savoir, quelle est la contradiction principale dans une contradiction? Quelles sont les contradictions secondaires? Est-ce qu'on fait passer les contradictions secondaires avant les principales? Ou bien, ce jeu des contradictions, comment est-ce qu'on l'agence dans le sens de sauvegarder les intérêts fondamentaux d'un continent? Le prioritaire, l'accessoire, il faut savoir gérer tout ça. Mais sur les fondamentaux, on ne bouge pas. Et sur ces fondamentaux, ce n'est pas les présidents qui sont en première ligne. C'est vous. Ce sont les panafricains qui sont en première ligne et ils doivent continuer à exercer leur magistère. Nous devons être simplement très heureux de voir que de plus en plus de présidents nous écoutent. On le voit à travers leurs actes. Quand on voit la position de l'Afrique sur cette crise ukrainienne, mais bon sang, Guy, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. On va cracher dessus. On va cracher dessus parce que tel a fait ça hier. Il a fait ça hier, mais bon, ça, il faut qu'on soit un peu sérieux. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, pas de distraction. Nous voyons comment l'Afrique avance. Nous voyons que le président Poutine n'a pas sorti la longue table pour recevoir Macky Sall. Il a sorti un guéridon. Il a dit pourquoi? Il a dit que l'Afrique, c'est l'ami de la Russie. L'ami de la Russie. Et ce que Macky Sall a dit est clair. Il dit que nous militons pour la levée des sanctions. C'est une position. Ça ne veut pas dire que... qu'ils ont le moyen d'imposer ça. Alors, je termine avec la question. Quand on dit que, ok, il s'est trompé d'interlocuteur, il devait aller à l'OTAN dire ça. On va à l'OTAN comme ça un matin. Demain matin, tu dis, bon, je vais aller à l'OTAN, recevez-moi. Mais il faut qu'on soit un peu sérieux. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Qui devait aller, c'est plutôt à l'OTAN qui devait aller voir pour dire ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les membres de l'OTAN ont imposé les sanctions à la Russie sans mesurer les conséquences de ces sanctions sur le continent africain. Et même sur les pays. Sur le pays africain. Non, je laisse le pays de l'OTAN. C'est entre eux là-bas. Dr. Bassey King. C'est-à-dire que quand ils ont pris les sanctions contre la Russie, ils ne se sont pas souciés de leurs partenaires africains. Parce que pour eux, on n'existe pas, Guy Fondop. Nous sommes moins que rien. Et les gens demandent aujourd'hui que si Macky Sall veut pas, si il s'est trompé d'interlocuteur, il doit aller voir l'OTAN. Quand l'OTAN a décidé de sanctionner la Russie, ils ont pensé aux Africains. Pourquoi Macky Sall doit aller voir l'OTAN? Il a bien fait. L'Union africaine, pour une fois, ils ont fait une chose que j'apprécie. C'est bien d'aller parler aux Russes. C'est bien. Et sur le plan de la tactique géopolitique, c'est intelligent de le faire. Intelligent de le faire. Il faut qu'on soit un peu sérieux, là. C'est intelligent de faire ça. Donc, il fallait qu'il ait cet interlocuteur. Il doit aller voir l'OTAN. Il fait quoi avec l'OTAN? Si l'OTAN est intéressé par l'Afrique, l'OTAN vient vers l'Afrique. Et on sait comment ils viennent vers nous. Ils ont menti. L'Union européenne a dit on va sanctionner les pays africains qui vont collaborer avec la Russie. La jupette, là, elle a dit que. La jupette, elle a dit que. Depuis que les Africains pensent, ils ont un point de vue. C'est ce qu'elle a dit, hein. La jupette de l'Union européenne, corrompue jusqu'aux os. Elle est même née de la corruption, elle est corrompue jusqu'aux os, cette dame-là. Elle a dit ça. Mais les présidents africains ont compris, Guy. Mais qui s'est compris ce que ça veut dire? L'Union africaine a compris, même comment les salaires sont payés par l'Union européenne. On s'en fout, ils vont continuer à jouer à ce jeu, ils vont se déchirer sur leurs problèmes. Mais nous, on avance, Guy Fondo. Le problème africaniste, c'est d'amener l'Union africaine soit à changer, soit à disparaître. Et ça, c'est la stratégie. Et là, Malabolouz a montré qu'on n'est pas loin de ça. Pourquoi ils sont séparés sans accord? Est-ce que c'est parce que nous avons appelé au téléphone qu'ils ont? C'est que les contradictions au sein de l'Union africaine, qui sont chauffées à blanc, non seulement par le combat panafricaniste, mais par le développement géopolitique du monde entier, que les panafricanistes ont, sur lesquels nous avons anticipé avant tout le monde, c'est en train de s'imposer à l'Union africaine. Le stratège, en ce moment-là, ne perd pas le temps sur les humains des individus. Il va s'assurer que le stratège s'assure que ces contradictions vont déboucher sur telle tendance dominante, vont déboucher sur tel axe. C'est ça le travail du stratège. Et nous, on doit continuer à accompagner la structuration et la compréhension de l'opinion africaine, qui est l'acteur déterminant dans cette affaire-ci. C'est elle l'acteur déterminant dans cette affaire-ci. Elle a situé de manière à ne pas nous divertir, à ne pas jouer le jeu de la division, parce que la France et les Européens ont décidé de diviser le mouvement panafricaniste. Tu le sais, Guy Fonom. On est au courant de leur manœuvre. Donc, on tombe pas dans ce piège-là. Donc, ça va dans le bon sens. Ce que l'Union africaine fait là, c'est bon. Ça ne veut pas dire que l'Union africaine travaille pour l'intérêt africain. C'est pas la même chose. On dit que non. Sur le dossier de la Russie, là, sur le dossier du conflit ukrainien, de l'opération militaire, leurs positions sont bonnes pour l'instant. Le juif fera autre chose. On prendra acte. Mais ces positions-là ne sont pas prises parce que, par gaieté de cœur, ça s'impose à l'Union africaine. Ce sont les masses, c'est justement ces masses populaires qui portent aujourd'hui. Très bien. Et ces chefs d'État qui disent aujourd'hui être portés par cette légitimité populaire. Qui fait en sorte qu'ils ne craignent rien. On a vu, on voit Assimi Goïta aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une contradiction forte, on voit comment est-ce que tout le Mali se mobilise pour dire ce n'est pas la peine, nous le soutenons, il est avec nous. Et c'est l'opinion interne au Mali qui détermine le reste à l'extérieur. Chacun est net. Je suis en prenant le cas précis du Sénégal. Permettez-moi, je n'étais pas là pour que les gens comprennent bien. On peut expliquer les positions du président Macky Sall ces derniers temps par le fait qu'il a pris en compte le fait que l'opinion publique au Sénégal a basculé dans le panafricanisme. On le voit à travers la popularité des positions de monsieur comme Sonko. On le voit à travers les slogans qui structurent les manifestations populaires au Sénégal. Un bon président qui a l'écoute, ou du moins un animal politique qui a l'écoute de l'opinion, fait avec ça. La question est celle-ci. Oui ou non, est-ce que ça fait avancer le combat panafricaniste? Oui. Alors, l'homme, le stratège panafricaniste, il tient compte de ça pour avancer dans le combat. Merci à vous, Président Badakhani. On va rapidement marquer une toute dernière transition pour aborder le troisième sujet à l'ordre du jour. Il s'agit bien sûr d'une crainte qui revient, une crainte d'une alliance entre la CEDEAO et l'OTAN qui, dans le cas d'espèce, viendrait ici notamment s'attaquer à un État comme le Mali avec son gouvernement en transition tel qu'on le voit aujourd'hui. Faisons une transition et revenons derrière pour comprendre s'il y a raison ou pas de s'inquiéter. Voilà, retour sur ce plateau et cette fois-ci, je vais commencer par vous, Nestor. J'espère que vous êtes là, à Ouagadougou. Alors, est-ce que vous êtes là, Nestor ? Je suis là. Oui, parfaitement. Alors, Nestor Podassé, d'aucuns estiment que, pour contrecarrer la montée en puissance de la Russie dans votre sous-région ouest africaine, une alliance avec l'OTAN aujourd'hui serait envisagée, notamment pour lutter contre ce qu'il considère comme étant des changements anticonstitutionnels. Vous, avez-vous plus d'informations autour de cela et quel est le regard que vous portez là-dessus? Oui, nous avons eu vent de cela avec c'est un canot. Et nous avons eu aussi d'autres informations avec les camarades qui sont en Europe, qui nous ont informés. Vous savez que la plupart des bases étrangères de l'OTAN sont beaucoup plus basées au Niger. Et raison pour laquelle, quand le secrétaire général de l'ONU était de passage là-bas, a dit de venir armer le Niger, leur donner plus de logistique, c'est pour pouvoir contrer le Mali ainsi que le Burkina dans cette montée en puissance. Et ils sont en train aussi de renforcer Abidjan. Mais nous, nous n'allons pas abdiquer, ce qui est sûr. Nous savons qu'actuellement, l'OTAN est en train de faire des exercices militaires au niveau des îles Canaries. Donc, pour venir attaquer le Mali ainsi que le Burkina Faso, pour intervenir militairement. Donc, c'est pourquoi nous-mêmes déjà, le 21 juin et le 25 juin au Burkina Faso ici, nous allons sortir pour marcher contre toutes ces forces de présence militaire-là. Et nous allons forcer les bases militaires françaises qui sont à Ouagadougou ici à quitter le plus vite possible. Voilà, ils n'ont qu'à partir le plus tôt possible. Sinon, ce n'est pas bon. Et aujourd'hui, je suis content parce que avant-hier, après la prière de vendredi, à Bouvet-Glaceau, où je suis, dans la ville où je suis, les imams ont commencé à lancer des appels dans les mosquées. Des pasteurs qui commencent à nous joindre dans nos rangs, à parler à leurs fidèles, de se lever, sinon ils vont nous anéantir tous. Bon, je les ai dit, en tout cas, votre réveil est tardif, mais c'est pas mal de se réveiller. Donc, ça veut dire que la population à la base commence à comprendre le message commence à passer. Donc, nous allons battre le pavé. Et dans les jours à venir aussi, nous allons demander à toute la jeunesse, dans tous les pays africains, ce n'est plus le moment de faire des applaudissements. S'asseoir, applaudir ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina. Non, c'est tous les 54 pays d'Afrique. Nous avons vu l'Afrique du Sud, qui n'est pas membre des pays francophones, qui s'est levé. Donc, devant tous les ambassades de l'Union européenne, de la France, nous devons manifester, ainsi que les ambassades des USA, nous devons manifester pour leur dire de partir. Au Burkina, j'ai déjà remis la lettre à l'ambassade de l'Union européenne, la France, la Chine, ainsi que les USA. Donc, ainsi en résumé, ce que je peux dire par rapport à cela, voici les informations que nous avons par rapport à cette situation de l'OTAN qui est en train de préparer pour venir contrer le Mali et le Burkina Faso. Mais nous leur disons que c'est peine perdue. Si l'OTAN essaye, s'il pense qu'il peut faire quelque chose contre le Burkina et le Mali à l'air là, c'est peine perdue. Parce qu'actuellement, nous allons répondre du berger à la bergère. Nous n'allons plus nous asseoir et pour regarder, ils vont faire du mal comme ce qu'ils ont fait à Kadhafi en Libye en 2011. Ça ne marchera plus. Si une seule bombe tombe là, même une seule roquette tombe seulement, le lendemain, tous les multinationales, les sociétés vont partir en fumée. Ça, c'est clair. Nous sommes prêts là-dessus et nous avons les moyens. Donc, il ne faut même pas qu'ils vont se fatiguer. C'est pour leur dire de nous laisser dignement vivre tranquillement notre indépendance. Nous sommes encore sous néocolonialisme. Nous sommes en train de nous battre pour nous en sortir. Donc, s'ils pensent que militairement, ils peuvent nous maintenir dans cette occupation néocolonialiste, ils se trompent lourdement. Et que nous sommes éclairés maintenant, nous sommes déterminés, ils ne peuvent plus rien nous faire encore. Hier, j'ai causé avec des amis qui me disaient, mais toi, ton panafricanisme, là, c'est trop fort. J'ai fait sortir les preuves où je les ai montrées que l'OTAN va venir bientôt nous bombarder. Ils ont dit, mais nous sommes tous des cabris morts. Je dis, voilà. Donc, Ivoirien dit, cabris morts n'a pas peur de couteau. Si vous savez que vous êtes tous des cabris morts, mettez-vous dans la danse. Ça passe ou ça casse. C'est une bonne fois pour tout. Donc, c'est pour dire que l'OTAN, parce que la France-Afrique est fatiguée, il ne peut plus rien encore. La France, à elle seule, nous avons bloqué son convoi ici l'année passée. Donc, la France elle-même sait qu'elle ne peut plus rien. Maintenant, l'OTAN qui cachait derrière pour utiliser un de ses branches, qui est la France, est obligé maintenant de sortir sa tête. Et nous l'avons vu venir depuis longtemps. Parce que c'est eux qui sont venus tuer Kadhafi en Libye et laisser les terroristes descendre, déstabiliser le Mali, une partie du Nigeria, une partie du Cameroun, une partie du Tchad, une partie du Niger. Aujourd'hui, c'est presque tout le Burkina Faso qui est annexé. On commence à faire des attaques sporadiques au nord de Côte d'Ivoire, au nord du Togo, au nord du Bénin. Nous allons nous asseoir, ils vont nous manger un à un individuellement. Je dis que trop, c'est trop, ça ne peut plus continuer. C'est pour cela que quand vous m'interviewez, je ne parle pas beaucoup. Je parle bref et je dis l'essentiel. L'air n'est plus de tergiverser, l'air n'est plus de parler beaucoup, l'air est aux actions. for action. En anglais, on dit c'est le temps des actions. Donc, c'est l'heure pour passer aux actions. Ce n'est plus l'heure de faire beaucoup de débats. Depuis 2012, 13, 14, j'ai suivi Afrique Média jusqu'aujourd'hui. Nous avons assez écouté, nous avons assez appris. Tous les téléspectateurs d'Afrique Média, nous avons beaucoup écouté, appris. Maintenant, passons aux actions. C'est l'heure de terrain, passons aux actions. Donc, dans les jours à venir, Burkina Faso, c'est 21 et 25 mai. Les autres pays, organisez-vous. D'ici là, on va lancer un mot d'ordre général et nous allons coaliser contre tous ces pays-là pour leur dire de partir. Vous avez vu en RDC, les gens marchent pour réclamer la Russie. En Afrique du Sud, c'est la même chose. Au Mali, ça manifeste. Au Burkina, ça manifeste. Que tous les autres pays aussi se lèvent pour qu'on les voûte hors de notre territoire une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup. Merci à vous, Nestor. Podassé, on va poursuivre avec vous, Issa Diawara, je vous retrouve. Alors, Issa, avez-vous eu vent de ce rapprochement CDAO-OTAN dans le but, ici, de lutter contre ce qu'il considère comme étant les changements anticonstitutionnels? Merci beaucoup, merci. L'OTAN est déjà ici en Afrique de l'Ouest, ça fait longtemps. L'OTAN n'a jamais quitté l'Afrique de l'Ouest. Que les choses soient très claires. C'est-à-dire maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un jeu de mots. Toutes les armées que vous voyez à la solde de la France ou bien des États-Unis, mais ce sont des armées qui ne girent que par l'OTAN. Vous avez vu quand ils mettent leur pion à la tête des États, ce n'est pas gratuit. Au Mali, ils avaient tout fait pour avoir un président à leur solde lors de la transition de 2012, à la suite du président, du défunt président Amadou Toumani Touré. C'est cette transition, en tout cas, et c'est l'OTAN qui avait créé les conditions et qui avait fait déchaîner les terroristes. Qui a fabriqué les terroristes? Les terroristes sont les produits d'usines de l'OTAN. Les terroristes viennent droit des usines de production, de déstabilisation de l'OTAN. Donc les terroristes, c'est leur produit. Maintenant, comment lutter encore contre ces mêmes produits, contre ces mêmes terroristes? Il faut faire appel à l'OTAN. Quand le Mali, la transition de 2012 avait fait venir Serval, c'est bien sûr c'est l'OTAN qui était appelé. Parce que vous appelez la France parce que la France est membre de l'OTAN. Et quand la France était venue, on a vu que c'était des Américains qui ravitaillaient les avions français en vol. Les Américains avaient quelle autorisation pour venir mener de telles opérations au Mali? On a vu que l'opération menée par la France était en grande partie à partir des renseignements américains. Donc l'OTAN n'a jamais quitté ici. Si jamais il y a guerre en France et autres là, vous ne pensez pas que les pays qui sont à leur sol vont envoyer des militaires africains aller mourir une fois de plus pour secourir ces pays de l'OTAN? Mais bien sûr, l'OTAN n'est jamais parti. Il s'agit maintenant de voir quelle forme on veut donner à cette coopération. C'est là maintenant qu'il veut donner la forme. Puisque jusqu'à présent, l'OTAN avait sous-traité sa présence avec la France-Afrique. Mais puisque la France-Afrique, le Mali a mis cela à nu, le Mali a déshabillé la France-Afrique. Le Mali, c'est comme le disent les Français, le Mali a humilié les Français. C'est politiquement français. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, c'est l'OTAN même qui est en train de sortir. C'est le grand jeu qui est en train de sortir. Parce qu'ils ont compris. La CEDEAO l'a reconnu, le président Bandakan l'a dit, la CEDEAO a reconnu au moins que l'armée malienne est en train de gagner le terrain. Mais là, ils ont adouci les mots, c'est de l'euphémie, c'est de la litote, c'est ce qu'ils ont fait. L'armée malienne contrôle le terrain, c'est ce qu'il fallait dire. L'armée malienne a nettoyé toutes les grandes bases terroristes. Ça n'existe plus au Mali, on ne brûle plus des villages ici. Maintenant, comment donner, justifier l'avenir de l'OTAN? Faut-il faire croire par des changements anticonstitutionnels de régime? Mais ça s'opère partout. Vous avez jusqu'à présent, ni le Burkina ni la Guinée ne sont sanctionnés parce que ce sont des pays qui n'ont pas encore expulsé un ambassadeur de l'OTAN. Les ambassadeurs de la France sont des ambassadeurs de l'OTAN. Ce sont des gens qui travaillent pour les pays de l'OTAN. Puisque c'est le Mali qui a fait cela, donc il faut justifier maintenant la venue formelle de l'OTAN. Maintenant, et le Mali avait signé un accord avec Serval, qui a couché d'un autre accord, qui a pris une autre forme avec Barkhane, qui a pris une autre forme avec Takuba. On avait presque toute l'Union européenne ici. Ce n'était pas des pays membres de l'OTAN. Le Danemark fait partie de l'OTAN. L'Angleterre fait partie de l'OTAN. Mais tous ces pays avaient des forces ici au Mali. C'est l'OTAN que le Mali a chassé. Voici tous les problèmes du Mali. Pourquoi le Mali est le seul sanctionné? Au même moment que les autres pays présentent un chronogramme électoral, la même durée que le Mali. Mais c'est le Mali qui est sanctionné, les autres renvoient peut-être la décision de leurs sanctions. Tout simplement, c'est parce que le Mali est le seul pays qui a sanctionné l'OTAN. L'avenir de l'OTAN s'est dû au fait, une fois de plus, de contrer l'influence du colonel Assimi Goïta. Je vous ai dit, il y a des milliers d'Assimi Goïta dans les différentes armées africaines. Comment les dissuader de ne pas prendre le pouvoir? C'est ce qui est en jeu. Or, le Mali aussi, le Mali travaille aujourd'hui à asseoir une dissuasion contre l'OTAN. Le Mali est en train de dissuader toute intervention de la part d'un allié de l'OTAN, de la France ou d'un pays quelconque. Ce n'est pas gratuit qu'on court, on va armer le Niger, on va armer un tel pays, on va armer les terroristes, on est en train de doter les terroristes de drones de combat. Ce n'est pas gratuit. C'est parce qu'il y a le Mali qui est en train d'atteindre un seuil, un certain seuil. Maintenant, ils veulent donner une forme à cette présence de l'OTAN en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'ils vont juste se limiter à signer un partenariat? Est-ce qu'ils vont signer juste un traité de collaboration? Ou est-ce que c'est aller jusqu'à signer un accord de défense? Parce que même avec la France, ça va commencer comme ça. C'était Serval, c'était Berkane, puis on a signé un accord de défense, puis c'était Takuba, la venue des forces, en tout cas, mini-OTAN ici au Mali. C'est ce qui s'est passé. Minusma et autres là. Mais ce sont des pays aujourd'hui qui n'obéissent qu'à la volonté de l'OTAN. L'OTAN en Afrique de l'Ouest, en Afrique un peu partout, ça fait longtemps, mais sous d'autres formes. Maintenant, comment donner une présence formelle? Comment essayer de donner une présence qui soit juridiquement et légalement correcte? Comment faire accepter ça auprès des opinions africaines? C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit, puisque aucun pan de texte de la CEDEAO ne prévoit peut-être un référendum dans chacun des États pour faire venir l'OTAN. Donc, il faut avoir des dirigeants marionnettes au pouvoir. Et vous savez, la lutte contre le changement anticonstitutionnel, ce n'est pas changement anticonstitutionnel. Il s'agit de lutter contre la libération de l'Afrique qui est engagée. Parce que s'il n'y avait pas de coup d'État, Assimi Goïta n'allait pas venir. Aujourd'hui, nous soutenons tous Assimi Goïta. On se bat autour de lui. Mais c'est parce qu'il y a eu un coup d'État. En Afrique, moi, personnellement, je suis un pro-coup d'État. Moi, je salue tous les coups d'État qui vont venir, qui vont permettre aux États africains d'émerger, qui vont permettre aux États africains de libérer. Moi, je suis pour tout coup d'État qui nous fera venir de Thomas Sankara et de Assimi Goïta, le colonel Kadhafi dont nous faisons l'éloge. Mais il est venu à la suite d'un coup d'État. Maintenant, il faut condamner tout coup d'État qui va nous faire retourner entre les griffes de la France, comme Blaise Compaoré l'avait fait contre Thomas Sankara, comme Moussa l'avait fait contre Modibo Keïta. Ce sont ces coups d'État qu'il faut condamner. Or, ce qui se joue, l'OTAN est en train d'encourager de tels coups d'État. C'est pourquoi vous avez Déby Junior qui a pris le pouvoir au Tchad. Ce n'est pas un problème. Tout coup d'État qui vise à saper la montée, l'influence de la Russie, ce sont des coups d'État qui sont les bienvenus, en tout cas, par le bloc de l'OTAN. Comme ils ont renversé Kadhafi, ils ont salué cela. Mais tout coup d'État qui permet à un État africain de s'affranchir de leur hégémonie, c'est ce coup d'État qui est à battre. C'est ce qu'il faut condamner. Là, les marionnettes de la CEDEAO vont commencer à défiler de l'Union africaine. Ils vont mettre des cravates. Ils seront dans des sommets. Ils vont se mettre à réciter ce qu'ils ont bûché, ce qu'on leur a ancré dans le cerveau. Ils vont se mettre à bûcher, à réciter qu'il y a eu changement anticonstitutionnel, il y a eu ceci, il y a eu ceci. Bon, on a assassiné des présidents africains qui ne voulaient que l'autonomie, l'indépendance de l'Afrique. Et les vrais assassins n'ont jamais été inquiétés. Ça ne dérange pas la CEDEAO, ça ne dérange pas l'Union africaine, mais c'est quand il y a coup d'État, c'est quand il y a un changement pour faire venir des patriotes à la tête des États, c'est ce coup d'État-là qu'il faut sanctionner. C'est Assimi Goïta qu'il faut sanctionner. Mais mon Dieu, qu'est-ce que Assimi Goïta fait contre les textes de la CEDEAO? Qu'est-ce que Assimi Goïta fait qui va à l'encontre des intérêts de la CEDEAO? Mais Assimi Goïta, là, c'est son combat, là. C'est parce qu'il est en train de libérer le Mali et l'Afrique du joug occidental, c'est pour cela qu'il est sanctionné. Et l'OTAN n'a jamais quitté ici. Vous n'avez que des marionnettes de l'OTAN à la tête de beaucoup des États africains. L'OTAN est en train de mettre la forme à sa présence. Maintenant, quelle forme ils vont donner? Comment ils vont l'appeler? Ça n'engage que c'est ce travail qui est en cours. Mais est-ce nous allons les laisser faire? Parce qu'une fois que vous scellez un accord avec ces gens-là, ça serait difficile d'en sortir. Hein? Comme on le dit à Bambara, « Do, comme on l'a dit, bo, comme on l'a dit. » C'est pas facile. Hein? Une fois que vous scellez un accord avec... Vous avez toutes les difficultés que le Mali a eu à se défaire des accords signés avec la France. Et cela n'inspire pas ces dirigeants marocains. Ils ne pensent qu'à leur pouvoir. Ils ne pensent à rien d'autre qu'à leur pouvoir. Mais ils ne sont pas éternels. Mais Mobutu est mort il y a longtemps. Et Adama a passé. Beaucoup sont passés. Omar Bongo a passé. Nul n'est éternel sur terre. Mais leur pays, là, leur pays doit demeurer. Les États africains vont demeurer. Les hommes vont passer. Les peuples vont demeurer. Les États vont demeurer. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de moi, le pouvoir de tout. Pour moi, comment me maintenir au pouvoir, même si je vais faire massacrer tous mes opposants. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais pour répondre à votre question, l'OTAN a toujours été là. L'OTAN a toujours fait assassiner des dirigeants patriotes africains. Et l'OTAN a toujours fait condamner des coups d'État qui vont à l'encontre de leurs intérêts, que nous, on n'appelle pas coup d'État, que nous, nous appelons une révolution. Ce qui se joue au Mali est une révolution. Je vous salue pour ne pas être trop long. Merci. Merci. Nous remercions. Et retour sur ce plateau avec vous, docteur Basilikin. Faut-il s'inquiéter? Voilà, on sent que l'OTAN a envie d'encourager les organisations africaines vers une répression de ce qu'ils appellent le changement anticonstitutionnel. Faut-il s'inquiéter dans le cas de la CEDEAO, de votre point de vue? Il faut s'inquiéter de tout ça, oui. Oui. Parce que on ne peut pas imaginer un instant que des gens qui n'habitent pas dans votre pays prétendent vous dicter ce que vous avez à faire, prétendent concevoir et appliquer chez vous ce qui est susceptible de vous rendre heureux. Ce n'est pas possible. Alors, avec la mondialisation, le libéralisme occidental a décidé de faire de toute la planète un système unique au-dessus duquel siégeraient les États-Unis, qui décideraient alors de l'avenir et du devenir de chacun de nous. Eh bien, la Russie, en raison des potentialités qui sont les siennes, en raison des forces économiques, sociales, politiques, militaires qui sont les siennes, pense qu'il n'est pas bon qu'un seul pays, quel qu'il soit, puisse devenir le patron de toute la planète. Et à ce moment-là, tous les autres seraient des colonies. Parce que voilà, vous savez, nous autres Africains francophones, depuis 1960, nous sommes censés être indépendants. Mais nous constatons que nos richesses, nos matières premières les plus importantes, sont pillées, exploitées et totalement mis au service des pays étrangers, ce qui ne nous apporte rien. Un seul exemple, vous voulez faire une route, vous allez emprunter à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, au Club de Rome, au Club de Paris, tout ça c'est les mêmes choses, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes oiseaux sur les mêmes branches. C'est-à-dire que ils vous prêtent de l'argent. Vous faites un ouvrage et pendant 25 ans, ce que rapporte l'ouvrage est remboursé sous forme de dette. Et à ce moment-là, et au bout de 25 ans, si cet ouvrage tient encore debout, eh bien, ils reviennent pour dire on va le remettre à flot, on va l'arranger, on va le requinquer et vous repartez sur 25 ans d'endettement. Et par conséquent, depuis les indépendances, nous avons travaillé au profit de l'OTAN. Si l'OTAN devait s'imposer en Afrique, encore plus fortement qu'elle ne l'est en ce moment, parce que jusque-là, nous étions sous l'OTAN. La France qui gérait, si je puis dire ainsi, l'Afrique prétendument francophone, eh bien, c'est tout simplement qu'elle avait reçu une sorte de mandat des nations. Des États-Unis, et elle faisait de l'Afrique, de nos richesses, de nos hommes, de tous nos biens, des choses exploitables au profit de du seul OTAN. Eh bien, là aujourd'hui, grâce à la Russie, à défaut que chacun reste totalement indépendant des autres, au moins avec la Russie, on peut avoir deux systèmes et il faudrait que chacun choisisse celui dans lequel il estime pouvoir s'épanouir au, le mieux possible et à terme, bien évidemment, devenir de véritables États souverains. Parce que quand on voit que des Américains votent des lois nationales qu'ils prétendent imposer à des pays étrangers, qu'est-ce que c'est ? Sinon du colonialisme. Par conséquent, bien évidemment, l'OTAN voudrait s'installer avec la CEDEAO et probablement avec toute l'Afrique. Et comme ça, quelques mouvements, de quelques velléités d'indépendance que quelqu'un manifestera, eh bien, l'OTAN écrasera ça sous ses bottes, exactement comme on l'a fait depuis 1960. Tout à l'heure, l'intervenant extérieur, hors de ce studio, nous a rappelé comment Modibo Keïta, comment Kadhafi, comment Thomas Sankara ont été sacrifiés au profit des seuls pays occidentaux, c'est-à-dire de l'OTAN. Eh bien, dans ces conditions-là, nous disons que nous autres Africains, nous devons essayer une autre alternative. Il ne s'agit pas d'enlever sa casquette à Paul pour la donner à Pierre, non. Il s'agit bien évidemment, que s'il y a deux systèmes concomitants et concurrents, eh bien, on choisisse celui avec lequel nous voulons coopérer. Il ne s'agit pas d'aliéner nos souverainetés nationales. Nous choisissions celui avec lequel nous voulons coopérer pour le mieux-être de nos États, de nos concitoyens. Parce que sans développement économique, il n'y a pas de bien-être matériel. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive malheureux, qu'il croupisse sous la misère. Ce serait cela si un jour l'OTAN devenait la patronne de toute la planète. Mais ce pourrait être autre chose. Si il y a une alternative, eh bien on choisira toujours ce qu'il y aura de meilleur pour nous. Voilà comment personnellement je vois les choses. Et il est évident que l'OTAN, petit à petit, a grignoté presque toute l'Europe jusqu'à être aux portes de la Russie. Eh bien, la Russie a dit non. Je ne peux pas me laisser encercler de telle manière que si un jour vous m'attaquez, je ne sache pas me défendre. Il y a une limite à laquelle vous devez vous arrêter, exactement comme en 1963, vous m'avez demandé de démanteler les missiles qui étaient à Cuba. Vous avez en retour démantelé ce qui était en Russie et qui menaçait l'Union soviétique. Eh bien, c'est le même statu quo, c'est à ce statu quo-là qu'il faut revenir, à savoir respecter la souveraineté et l'espace vital de chacun. Si on encercle les pays, si l'OTAN s'installe en Afrique pour faire de nous des pays où des lois votées par le Parlement américain nous obligeraient, eh bien, ce ne serait plus, nous ne serions plus des États souverains. Nous n'aurions plus des peuples souverains, nous aurions tout simplement des colonisations. Pourquoi ne pas dire des esclaves au service de l'OTAN ? Et ça, personne qui est sain d'esprit ne peut imaginer une telle chose. C'est pour ça que nous n'avons pratiquement plus le choix. Il faut la pluralité au monolithisme. C'est pour cela que le panafricanisme actuellement se bat, certes pour le bonheur et le bien-être de l'Afrique et des Africains, mais nous savons que ce bonheur, ce bien-être-là sont impossibles si c'est l'oncle Sam, qui domine la planète et qui impose, comme ça se passe depuis la fin de la guerre, depuis 1949 pratiquement, dans notre ère de vie, c'est les États-Unis qui ont décidé de tout. Et il est temps qu'on cesse de faire comme cela, parce que ça ne nous a apporté aucun bénéfice, aucun bien-être. Eh bien, on ne peut pas continuer à nous fourvoyer dans l'esclavagisme. Ça, ce n'est plus acceptable. Merci à vous, docteur Basiliquin, président Madakani, pour sortir. Faut-il s'inquiéter? Oui, il faut s'inquiéter. On l'a suivi sur le bateau parce que, évidemment, on sait que le but ici, c'est par exemple d'être capable d'aller avec l'OTAN contre Assimi Goïta de façon armée, comme on l'avait vu avec Kadhafi. Mon cher Guy, je vais essayer d'être à la hauteur des interventions extraordinaires qui m'ont précédé. Dès le début des opérations militaires à l'Ukraine, j'ai dit que c'est l'Afrique qui est au cœur de ce combat. Vous vous souvenez? Parfaitement. Je l'ai toujours dit ici, que tout ça, ça va tourner, ça va venir, c'est l'Afrique que ça va venir, je l'ai dit. De par le passé, quand nous avons dit ici que l'arrivée de M. Ouattara au pouvoir était la plus grande catastrophe qui ait frappé le continent africain, certains n'ont pas vite perçu ce qu'on voulait dire. Ceux qui l'ont perçu sur le temps n'ont pas bien approfondi ça. Eh bien, la mission historique du Ouattarisme est devant vous. C'est-à-dire consolider de façon officielle, n'est-ce pas, l'OTAN, une africanisation de l'OTAN. Quand mon ami Diawara vous dit que l'OTAN est en Afrique depuis longtemps, mais ce qu'il dit se relève de l'évidence, c'est la vérité qu'il dit, M. Diawara. J'ai souvent rappelé ici que l'OTAN était au Niger et que la France au Niger, c'était la façade de l'OTAN avec l'unité 201. Je l'ai dit plusieurs fois ici. J'ai rappelé ici le comportement de M. Mamadou Issoufou, n'est-ce pas, un ennemi du continent africain, qui s'est empris au panafricanisme à un moment donné en disant que personne n'a le droit de leur dicter leur conduite en termes d'alliance et que les occidentaux, les bases militaires occidentales sont les bienvenus en Afrique. Vous avez oublié ça? Mamadou Issoufou opérant comme président du Niger à son temps, préparant l'arrivée au pouvoir de celui que nous voyons là aujourd'hui. J'ai rappelé ça. Quand le secrétaire général des Nations Unies, puisqu'on l'appelle comme ça, pour nous c'est un parfait voyou, voilà. Alors, quand il est arrivé dans sa dernière visite ici, j'ai crié ici que ce qui se passe au Niger là est une déclaration de guerre où un secrétaire général de l'ONU en fonction renie la Charte des Nations Unies, remplace la Charte des Nations Unies par une entité qu'on appelle communauté internationale, et au nom de cette communauté demande un armement international du Niger. J'ai crié ici pendant au moins 2 émissions par rapport à ça. Et maintenant, vous voyez, M. Ouattara donc, veut officialiser simplement, c'est-à-dire transformer la CDAO en CDAO OTAN. Donc les choses sont posées, mon cher Guy Fondon. Pour comprendre toutes ces dynamiques, il faut les inscrire dans leur destin naturel et dans leur perspective historique. C'est comme voilà. De quoi est-ce qu'il s'agit? Je vous ai dit ici que, avec la loi qui a été votée par les Américains contre l'Afrique, à travers cette déclaration de guerre contre l'Afrique qui a été faite par les États-Unis, n'est-ce pas? On assistait, j'avais parlé d'une dégradation, que c'est le plus grand, c'est la plus grande rétrogradation, c'est la plus grande régression du droit international. Ce n'est pas ce que je voulais dire exactement. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est qu'on assiste devant, nous sommes en face du dévoilement de l'essence du droit international. C'est deux choses différentes. Quand on dit qu'une chose régresse, c'est comme si elle avait constitué un progrès. Elle avait constitué un progrès. Le droit international, dans son acception vulgaire et conventionnelle, a semblé pour beaucoup d'acteurs africains, surtout les juristes, les juristes entre guillemets internationaux, tous ceux qui se nourrissaient et mangeaient, n'est-ce pas, à partir de ce commerce international, du droit international, les fonctionnaires internationaux, les États qui en profitaient, il y avait une espèce de consensus, n'est-ce pas, un consensus tacite d'intérêt, mon cher Guy Fondon, qui amenait les autres à dire que le droit international était un progrès. Mais des révolutionnaires, des gens attentifs ont toujours su que le droit international n'était pas un progrès. Pourquoi? Les gens ont confondu le droit international au sens noble du mot, qui a construit dans l'avenir, Guy Fondon, et une occidentalisation du droit, de la loi et des jurisprudences. J'espère que je parle français. Bon, nous parlons mieux français que les Français. C'est connu, nous savons. Évidemment, voilà. Oui. C'est le rapport que disent ça, hein, que 45% des Français parlent français. Après, et je vois quelqu'un qui rit de l'autre côté, que j'aime beaucoup. On se comprend. On se comprend. Mon frère rit de l'autre côté, on se comprend. Donc, je suis en train de dire que on parle français mieux que les Français. C'est bon. On les bat partout. Hein. On parle même français, leur langue mieux qu'eux. Donc, je suis en train de dire que les gens ont confondu l'occidentalisation de la loi, du droit et des jurisprudences ont confondu ça au droit international. Or, le droit international n'a été qu'une structuration juridique, une codification juridique des intérêts occidentaux dans le sens d'éterniser leur domination sur le monde. Alors, si on appelle ça droit international, moi, je dis que alors, nous sommes plus les Africains. Faut-il appeler que le droit est né en Afrique? Que la loi est née en Afrique? Que la jurisprudence est née en Afrique? Donc, c'est cela que j'ai dit, mon cher Guy Fondon. Et pour confirmer mes thèses, j'ai dit ceci, on donne les arguments là, quand nous parlons. Le droit international, le développement de son essence, pour les jeunes générations, on peut le dater depuis la consécration des concepts de guerre préventive qui ont justifié ce que vous connaissez, la guerre d'Irak et le projet Grand Moyen-Orient, où les Occidentaux disent au monde entier l'inauguration d'une nouvelle ère géopolitique que les gens ne voyaient pas. C'est clair, quand le fils Bush, là-bas, d'un mensonge, attaque et détruit l'Irak. Guerre préventive. À la notion de guerre préventive, il faut ajouter l'autre notion qui est la sœur jumelle de la notion de guerre préventive, c'est la transformation des États en États voyous par un autre État. C'est-à-dire que les Américains décident que l'Irak, c'est un État voyou. Et à partir de ce concept, on décide de faire une guerre préventive à l'Irak parce que c'est un État voyou. Or, l'État qui qualifie l'Irak d'État voyou est l'État voyou par excellence sur la planète, les États-Unis. Vous avez, mon cher Guy Fondop, le droit d'ingérence étrangère dans un pays. Ça, c'est les machins qui ont commencé, c'est comme ça qu'on a commencé à écarter le droit international, du moins, à dévoiler l'essence du droit international, son essence impérialiste et ethno-impérialiste, on a commencé à le dévoiler. Vous avez la notion des sanctions, qui culmine aujourd'hui avec les sanctions sur la Russie. C'est quoi les sanctions? Les sanctions sont, c'est consacré par quelle législation internationale? Quels sont les fondements juridiques au niveau international du régime des sanctions d'un pays par un autre pays? Vous me dites ça? Ça n'existe pas. On peut continuer avec le droit humanitaire qui empêche le Mali de remporter une victoire décisive contre les terroristes. Le dernier rempart de protection des terroristes, c'est le soi-disant droit humanitaire qui fait que tout terroriste est présumé innocent et que seul l'Occident peut dire que tel est terroriste et ne l'est pas. Mais quand chez eux, quelqu'un tue avec un couteau blanc, avec une arme blanche le couteau, on le fusille sans jugement, on dit que c'est un terroriste. Ça veut continuer comme ça. Donc, vous voyez toute cette trajectoire, mon cher Guy Fondop, de développement de l'essence du droit international est en train de culminer maintenant avec ce qu'on est en train de voir dans le théâtre du Sahel. De quoi est-ce qu'il s'agit? Je vais chuter par là. Il ne faut pas te raconter des histoires. Le monde va vers la guerre froide par le passé, le rideau de fer, la frontière qui consacrait la guerre froide était en Allemagne. Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. De l'Ouest, oui. Mais cette frontière va se déplacer au niveau global. C'est désormais une frontière qui va opposer deux camps. Le camp de la libération de l'humanité et le camp de ceux qui veulent éterniser la domination occidentale. Voilà la nouvelle frontière géopolitique mondiale. Et c'est ce qui est en train de se jouer là-bas au Sahel. Ne vous trompez pas. Les dirigeants maliens ont anticipé. Cette guerre dont moi je parle depuis des semaines, des années ici, cette guerre-là, depuis le déclenchement de la crise ukrainienne, depuis même l'arrivée au pouvoir d'Assimi Goïta, j'ai dit aux Maliens, vous allez faire la guerre. Vous allez faire la guerre contre l'Occident. Je leur ai dit, ils le savent, ils sont pas naïfs, mais ce sont des gens qui maîtrisent les lois de la diplomatie internationale. Ils sont mûrs, ils ne parlent pas. Mais analysez les actes. Lorsque le président Assimi Goïta décide de reconnaître, quand le Mali décide de reconnaître les républiques de Lugansk et de Donetsk, dites-moi un pays dans le monde qui est allé jusqu'à ce niveau. Dites-moi un pays qui est allé jusqu'à ce niveau. Mais que me dit cet acte de reconnaissance? Le Mali vous parle. Le Mali a démontré à tous les pays africains jusqu'à quel niveau ils sont prêts à aller. Et je peux vous dire, les dirigeants qui, à Malabo, ne sont pas entendus, se sont opposés au projet occidental, ont bien compris le message qui vient du Mali. Ça veut dire qu'Assimi Goïta et les dirigeants maliens sont en train de dire que nous reconnaissons ces deux républiques. Ça veut dire que notre allié géomilitaire majeur, c'est la Russie. Et la Russie vient de vous dire que quiconque attaque le Mali a attaqué la Russie. La Rome l'a dit. Mais écoutez où les choses sont en train de partir. On n'est plus en train de jouer. Lorsque les Américains, la dernière séquence de ce qui se prépare, c'est la livraison de certaines armes à l'Ukraine. Certaines armes de longue portée qui peuvent même atterrir même en Russie. Non, atterrir en Russie. Écoutez ce qui a été dit. La Russie a dit que si on franchit cette ligne rouge, elle va frapper un pays comme la Pologne, allié de l'OTAN. Mais ils sont allés plus loin. Elle va frapper les centres de décision, y compris à Washington. Mais réveillez-vous. La Russie l'a dit. Oh, les Américains qui sont des lâches, parce qu'à l'heure où nous parlons, L'État, l'Amérique, sur le plan militaire, n'est pas en mesure de faire une guerre à la Russie. Le seul produit là, on connaît l'état des armes dans le monde, on connaît. Pour ceux qui se font, ils savent ce que je suis en train de vous dire. Les Américains sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent généraliser les guerres du type ukrainien dans le monde pour entraîner la Russie dans une guerre d'usure et l'affaiblir et espérer ainsi maintenir l'Occident en position de domination alors que sa décadence est actée. Son effondrement est hanté, est acté. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher Guy Fondo. Donc, les pays africains qui vont continuer à faire du cinéma, qui te diversent alors que l'orientation du monde est claire. Alors, nous sommes là. C'est de cela qu'il s'agit. La défaite en Ukraine, c'est fini. L'Ukraine, c'est terminé. Ils se sont déjà partagés l'Ukraine. C'est fini. Donc, le centre de déplacement maintenant des nouvelles guerres géostratégiques des Américains pour essayer de continuer à exister, de dompter l'Occident, pour exister, c'est où? C'est le Sahel. On va déporter ça vite au Sahel. Au Sahel, tout à l'heure, j'ai entendu mon excellent ami Djaoura dire, il vous le peut très bien que, ok, les conditions juridiques ne sont pas réunies. Soit, mais ils s'en fichent du droit. Ils s'en fichent, mon cher frère, tu as raison. Mais ils s'en fichent. Ils vont foncer. Mais c'est pour être enterré. Je vais terminer par là. Je reviens, mon ami. C'est pour être enterré. L'Occident a conquis le monde en esclavagisant l'Afrique. Elle va être enterrée, n'est-ce pas, en Afrique, parce que le criminel revient toujours sur le lieu de son crime originel. Merci à vous, Président Bandakani. Merci au Docteur Basilikin. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à Nestor Podassé depuis Ouagadougou. On vous dit merci, Nestor. Merci à vous d'être passé ce soir, cet après-midi, autant pour moi. Merci, Afrique Média. Merci également. Merci, Issa Diawara. Merci. Voilà, merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous sommes arrivés au terme cet échange et nous vous souhaitons simplement une excellente suite à l'écoute des programmes de la télévision panafricaine qui se poursuivent et on se retrouve très très vite. À très bientôt.